ma parole, ma Gisèle a bien changé. Jean, c'est pas vous, mais la bague qu'elle vient chercher. Jean, calmez-vous, nous allons vous protéger. Je réclame vengeance. Elle réclame vengeance. Je suis une fille que rien n'arrête. Vous voulez prendre la poudre d'escampette? Non! Bientôt, vous verrez ma haine. La vengeance coule dans mes veines. Non, Gisèle, je t'en supplie. Non, c'est trop tard, c'est fini. Vengeance, vengeance. Gisèle, tu as bien dormi? Ne fais pas l'idiote. Vous êtes débarrassée de moi en m'enfermant dans la crypte. Alors aujourd'hui, je veux me venger. Il me manque juste une toute petite chose. Où est ma bague? Calme-toi, ma chérie, tout peut s'arranger. Vous avez peur, vous avez raison. Je suis la plus puissante des sorcières qui ait jamais existé. Vous vouliez mon pardon? C'est trop tard! Vous ne m'échapperez pas! Roméo, s'il te plaît, trouve une idée. Bonjour. J'en sais rien, tous sont là dans l'escalier. Bonjour. Attendez, le soleil est votre allié. Je vous rappelle que je suis là. Elle réclame vengeance. J'ai réussi, j'étais la première. Laisse-toi la chance. J'ai réussi où d'autres ont souffert. Oublie ta vengeance. Si tu veux changer, fais-nous confiance. Réclame vengeance. Je peux te soigner, fais-moi confiance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes là suppliants, à genoux implorants, de nous laisser partir à présent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est limité. Vengeance. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Vengeance. Et ma bague va enfin me redonner. Vengeance. Mon pouvoir, ma force et ma liberté. Vengeance.